Chapitre 251. Le mérite des invocations en faveur d'une personne en son absence. Allah Ta'ala dit: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Et il appartient également à ceux qui sont venus après eux en disant: Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Sourate 59, verset 10. Et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Sourate 47, verset 19. Ô notre Seigneur, pardonne-moi, ainsi qu'à mes pères et mères et aux croyants, le jour de la reddition des comptes. Sourate 14, verset 41. 1494. Abu Darda, radiyallahu anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire: Nul musulman n'invoque Allah en faveur de son frère musulman en son absence sans que les anges ne disent que la même chose te soit accordée. Muslim. 1495. D'après Abu Darda, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, disait: L'invocation du musulman en faveur de son frère musulman en son absence est exaucée. Par ailleurs, un ange lui est assigné près de sa tête avec pour tâche de dire, après chacune de ses invocations en faveur de son frère, « Amen » et que la même chose te soit accordée. Muslim.